Écoutez et répétez les groupes de mots suivants. 1. Le Canada. 2. Saint-Jean. 3. Le Saint-Laurent. 4. Les Maritimes. 5. Vancouver. 6. Québec. 7. Terre-Neuve. 8. La baie d'Hudson. 9. Les Laurentides. 10. L'Ontario. 11. Le Manitoba. 12. L'Alberta. 13. Kelowna. 14. Toronto. 15. Beauval.